explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Pendant longtemps, nous nous sommes fait une image assez fausse des hommes et des femmes qui ont vécu sur une partie de notre territoire il y a un peu plus de 2000 ans. On les imaginait hirsutes, bagarreurs, vivant dans des huttes au fin fond des bois, sorte de chaînons intermédiaires entre l'homme préhistorique et l'homme civilisé. Le nom que l'histoire a retenu pour les nommer est Gaulois. Mais eux ne s'appelaient pas ainsi. Les recherches archéologiques menées ces 30 dernières années révèlent un portrait bien loin des idées reçues. Les vestiges exhumés laissent entrevoir une civilisation différente, mais aussi avancée que celle de leurs voisins, les Romains. Cet après-midi, nous partons à la rencontre de ce que l'on nomme aujourd'hui les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour Laurent Olivier. Bonjour. Vous êtes archéologue et conservateur en chef du patrimoine au musée de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez écrit « Le pays des Celtes, mémoire de la Gaule » aux éditions Seuil. Et vous allez donc nous dire ce que l'on sait de ceux que l'on nomme aujourd'hui les Gaulois et pourquoi, il y a longtemps, eu beaucoup d'idées fausses qui ont circulé à leur sujet. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, le marin journaliste Bernard Rubinstein viendra partager avec nous sa passion pour la mer et la navigation. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Océane Théard et Sophie Vaux. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient grands, blonds et portaient des moustaches et ils tressaient leurs longs cheveux contrairement aux Romains, qui portaient des toges et des tuniques. Ils étaient vêtus de pantalons qu'on appelait des braies. Ils vivaient dans des huttes. Ils étaient très heureux de la richesse de leur pays qui excitait la convoitise des envahisseurs, les Romains. Laurent Olivier, alors je ne sais pas ce qu'il y a de juste ou de faux dans tout ce qu'a dit cet écolier des années 60. On a appris beaucoup de choses fausses à des générations d'écoliers au sujet des Gaulois. C'est-à-dire que l'image qu'on avait d'eux, c'était celle qui était transmise par ceux qui les avaient colonisés et dont ils avaient été longtemps les ennemis. Et en l'absence de témoignages des Gaulois sur eux-mêmes, c'était la seule version dont on disposait. Oui. C'est-à-dire que pendant longtemps, ce sont, en fait, c'est toujours pareil, un malheur aux vaincus, ce sont les Romains, les vainqueurs, qui avaient l'écriture, qui nous ont laissé des récits de ce qu'ils percevaient, mais de leur ennemi. Donc forcément, le regard est sacrément biaisé. Oui, puis c'est surtout un regard de domination, en fait. C'est le regard du dominé sur le dominant. Et si on veut trouver un équivalent pas très éloigné de ce que se représentent les Romains à propos des Gaulois, il suffit juste de transposer Gaulois en immigré ou arabe. Le Gaulois est violent, le Gaulois a une religion qui tue des gens, le Gaulois ne travaille pas, c'est un voleur, le Gaulois habite dans un taudis, le Gaulois, quand il parle, il a une sonorité, c'est une langue qui est insupportable, c'est pas de la musique, c'est du bruit, etc. etc. Ce qui montre d'ailleurs par parenthèse que le racisme ne dépend pas de la couleur de peau, il dépend justement de cette situation du dominant vers le dominé. Et quand le dominé est blanc, on obtient cette image sur les Gaulois. Oui, alors, les Gaulois, eux, n'ont pas laissé d'écrits sur ce qu'ils étaient, n'ont pas laissé de témoignages directs. C'est une civilisation. Alors, contrairement aux Romains, qui sont une civilisation obsédée par l'écrit, oui. On laisse de l'écrit sur absolument tout. Les Gaulois sont plutôt une civilisation, comme il y en a beaucoup, une civilisation de l'oralité. C'est-à-dire que les savoirs se transmettent de manière orale et ne sont pas couchés par écrit. Ce qui amène d'ailleurs une énorme disproportion par rapport aux Romains, puisque ça va être essentiellement la tradition gréco-romaine qui va rendre compte d'eux. Par parenthèse, on a quelque chose qui n'est pas très éloigné de la situation des Indiens des États-Unis, par exemple, où l'essentiel des informations viennent des Américains et finalement relativement peu des Indiens eux-mêmes. Mm-hmm. Donc on est dans quelque chose de relativement comparable entre le colonisateur et le colonisé. Mais ils maîtrisaient l'écriture tout de même. On a retrouvé, je crois, des stylets, on imagine des plaques de bois recouvertes de cire dans lesquelles ils pouvaient inscrire des choses. Alors ils maîtrisaient quand même. Oui, alors, évidemment, ça fait partie des idées reçues qu'on a sur eux. On a l'idée qu'ils ne savaient pas écrire. Ils écrivent, ils ont des documents écrits. D'ailleurs, il en faut pour l'administration, pour l'économie, pour les comptes, pour les impôts, il faut des listes. Mm-hmm. Et sur les amphores, souvent, ils mettent leur nom pour pas qu'on leur pique leur amphore. Oui, par exemple ça, on a des témoignages de cela. Et puis, en fait, ils écrivent dans leur propre langue, mais ils utilisent des alphabets étrangers. Donc, ils peuvent utiliser, par exemple, l'alphabet grec plutôt dans le midi de la Gaule, et puis plutôt l'alphabet latin dans le reste, et en partie dans le couloir du Rhône et de la Saône. Mais rien que leur dénomination, finalement, gaulois, ce n'est pas le nom que eux se donnaient. C'est ainsi que Jules César, parce que c'était plus simple, a décidé d'appeler la Gaule, voilà, tout ce territoire qu'il cherchait à conquérir, qui était peuplé de nombreuses petites civilisations. Il a tout regroupé, il a dit, c'est la Gaule. Alors, ce qu'on appelle la Gaule, nous, c'est une mosaïque de petits états qui ont en gros... La taille, c'est un gros département, une petite région. Il y en a à peu près une petite centaine sur le territoire de la Gaule. Et puis, il y a surtout des ensembles qui, culturellement, sont différents. Il y a ce qu'on appelle les Aquitains, qui sont plutôt de culture ibérique, donc dans l'Aquitaine actuelle. Il y a ce qu'on appelle les gens qui s'appellent eux-mêmes les Celtes, c'est-à-dire c'est tout le centre de la Gaule. Et puis, il y a les Gaulois belges qui sont au nord de la Seine. Et pour les Romains, et là encore, vous voyez l'altitude du dominant par rapport au dominé, tout ça, c'est des Gaulois. Voilà, c'est ça. Comme nous, on dirait, c'est tous des Chinois, ou c'est tous des Russes, ou tous des Américains, ou tous des Africains. C'est une façon générique de les dénommer. Mais Gaulois n'est pas le nom par lequel ils s'appelaient eux-mêmes. Ouais. Comment s'appelaient-ils alors entre eux? Ils préfèrent s'appeler Celtes. Ouais. Donc il faudrait dire les Celtes. Mais non. C'est vrai que l'histoire a retenu le nom Gaulois pour... Alors il l'a retenu parce que justement c'est Jules César qui, en ayant conquis tout cet ensemble de territoires, a voulu montrer que... Il ne faisait pas des conquêtes sur des petits peuples qu'il avait soumis, mais que grâce à lui, on avait acquis un pays tout entier qu'il a créé en quelque sorte. Et donc, c'est assez drôle parce que finalement, on peut dire que d'une certaine façon, c'est Jules César qui a créé la France en disant que les limites de la Gaule, il parle de la Gaule, non plus des Gaules, c'est le Rhin, les Alpes, les Pyrénées. Alors les Gaulois ont laissé peu de traces, mais ils en ont laissé quand même, encore fallait-il les voir. Une nouvelle approche archéologique a permis de découvrir des nombreuses traces d'habitations gauloises en survolant les champs à bord de petits avions à une certaine période de l'année. Les archéologues voient se dessiner comme imprimées dans la végétation des formes géométriques qui correspondent aux murs des habitations gauloises d'il y a plus de 2000 ans. Ah ben voilà par exemple ici une ferme quadrangulaire. Donc ce genre de ferme, on en a à peu près tous les 500, tous les 1000 mètres. C'est des fermes gauloises très caractéristiques avec ces fossés emboîtés. On a certainement une partie qui est réservée à l'habitation et puis autour des fossés qui servaient à délimiter les parcelles cultivées ou celles où paissaient les animaux, le grand bétail. C'est dû tout bêtement au fait que les céréales sont en train de souffrir en ce moment, c'est une année assez sèche. Et ces céréales vont mieux pousser au-dessus des anciens fossés qui sont encore gorgés d'eau, alors qu'autour les céréales sont déjà en train de mûrir. Ça signifie qu'il faut voler pendant une semaine ou deux semaines, pas plus, au moment où les céréales sont en train de virer, juste avant qu'elles soient coupées. Et là on va voir une quantité de sites qui vont apparaître, les bonnes années. L'archéologue Pierre Nouvel, archéologue à l'université de Franche-Comté, dans le documentaire Le vrai visage des Gaulois. Alors c'est assez spectaculaire, hein. Lorsque l'on est à bord de cet avion, on voit très clairement des tracés, mais on a l'impression de voir des plans de maisons vus du ciel. 2000 ans après, la végétation garde la marque de ces habitations gauloises. Ça paraît assez incroyable. Oui, alors ça, c'est une révolution qui est apparue dans les années 60, quand on a commencé à développer les vols dans les petits avions. Et jusqu'alors, les archéologues étaient cloués au sol. On ne voyait pas ça. Ou on ne voyait que dans des fouilles qui pouvaient dégager des petites surfaces de terrain. Et grâce à l'archéologie aérienne, d'un seul coup, on a commencé à voir de véritables paysages archéologiques apparaître. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une densité de sites qui était effectivement beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé. Puis des sites beaucoup plus spectaculaires, développés que ce qu'on envisageait. Autrement dit, on est très très loin de la petite hutte au fond des bois. Les Gaulois maillent tout à fait le territoire avec des constructions. Alors certes, il n'en reste pas grand-chose parce que ces constructions étaient en bois. Mm-hmm. Mais ces constructions, d'après les tracés que l'on observe sur le sol, était très grande. Oui, alors surtout, ça c'est une chose, je pense, dont on prend mal la mesure, c'est qu'il faut imaginer que, en fait, on était, c'est pas exagéré de le dire, on était intoxiqué par les textes antiques qui disaient ils habitent dans des cabanes, voilà, faites de branchages, à moitié enterrés sous terre. Et donc, il a fallu attendre les années 70 pour qu'on commence à imaginer que non, on confondait en réalité leur fosse à ordures avec les habitations. Et en fait, c'est seulement à partir de la fin du 20e siècle qu'on a commencé à véritablement trouver les lieux de vie, les habitats, les fermes, et à se rendre compte que on avait de l'architecture, mais l'architecture en bois, effectivement, comme au Moyen-Âge, en fait. Ouais. Donc, les Gaulois étaient de grands bâtisseurs. Les Gaulois étaient... Alors, vous voyez, c'est intéressant, cette question que vous posez, parce qu'on est toujours en train de dire, oui, mais finalement, c'était pas si nul que ça. Oui, c'est, comme a dit le grand anthropologue Marcel Mauss, il n'y a pas de civilisation inférieure, il n'y a que des civilisations différentes. Mm-hmm. C'est une civilisation rurale qui n'est pas très éloignée. Si on pouvait faire un voyage dans le temps, je pense que c'est pas très éloigné de ce qu'était la France au Moyen-Âge, en fait. Ouais. Mais alors, dans la guerre des Gaules, César, justement, on a des récits de César qui parlent de ses ennemis, les Gaulois, pas toujours de façon condescendante. Hein. Parfois, il est assez admiratif, il fait une description assez précise de leur mode de vie, de leur technique, et il semble notamment impressionné par leur façon de construire les remparts. Tous les murs gaulois sont faits en général de la manière suivante. On pose sur le sol, sans interruption sur toute la longueur du mur, des poutres perpendiculaires à sa direction et séparées par des intervalles égaux de 2 pieds. On les relie les unes aux autres dans l'œuvre et on les recouvre d'une grande quantité de terre. Ce genre d'ouvrage offre un aspect varié qui n'est pas désagréable à l'œil, avec son alternance de poutres et de pierres, celles-ci n'en formant pas moins des lignes continues qui se coupent à angle droit. Il est, de plus, très pratique et parfaitement adapté à la défense des villes. Pas désagréable à l'œil, très adapté à la défense des villes. Ils ont inventé, alors c'est pas le béton armé, mais on a un maillage, une trame en bois comblée avec de la terre. Tout ça entre des murs de pierre. Et effectivement, ça fait des remparts très solides. Et Jules César lui-même trouve ça redoutable. Ben oui, mais il est surpris surtout parce que il connaissait pas cette technologie. C'est des remparts en maçonnerie, les remparts romains. Et le rempart gaulois, il est tout à fait adapté à contrer les travaux de sape, par exemple. Essayer de creuser sous le rempart ou essayer de démanteler le rempart avec les outils de siège qu'utilisent les Romains. Ils utilisent ce qu'on appelle des fous murales. C'est-à-dire, c'est une grosse poutre terminée par un crochet qui est posée sur un affût qui roule. Et avec cette poutre, ce crochet, on tire les pierres du rempart. Et là, ça marche pas avec les remparts gaulois. Et donc, il va falloir développer d'autres techniques que celles qu'on utilisait traditionnellement. Alors, ces remparts étaient parfois destinés à protéger des villes. On a des... Alors, on parle d'oppidum pour les Gaulois. De quelle taille ça faisait? Comment il faut s'imaginer ça? Alors, ce qu'il faut imaginer, quelque chose... Alors, c'est difficile à imaginer pour nous parce que c'est pas des villes. C'est des agglomérations, c'est des concentrations d'occupation qui peuvent se développer sur des dizaines d'hectares. Ça peut atteindre par endroit 40 à 50 hectares. Donc ça, ce sont des places... Jules César utilise le terme d'oppidum, qui veut dire fortification, chef-lieu de campagne. Il y a ça, et puis vous avez aussi dans la campagne environnante, vous avez des bourgs, et puis des fermes isolées. Enfin bref, il y a tout un maillage. Mais c'est vrai, pas des villes à la romaine. Alors l'un des oppidums célèbres dont parle beaucoup Jules César dans la guerre des Gaules, c'est l'oppidum de Bibracte. Il a fini par être retrouver, parce que longtemps on en avait perdu sa trace, on savait plus exactement où ça se situait. Mm-hmm. Et puis on a fini par le retrouver. Ça se trouve où, l'oppidum de Bibracte? Alors Bibracte, ça se trouve, c'est le mont Beuvray, ça se trouve en Saône-et-Loire. C'est pas très loin d'Autun, parce qu'Autun, Augustodunum, c'est la ville qui est créée par les Romains à une dizaine de kilomètres de la grande capitale des Édouins, qui est Bibracte. Mm-hmm. Et alors qu'est-ce qu'on sait de ce à quoi pouvait ressembler ce lieu à la grande époque, si on remonte 2200 ans en arrière? Alors, on n'a pas fouillé encore complètement le site de Bibracte, mais c'est un site qui a révélé à la fin du 19e siècle, en fait, tout le caractère déjà extrêmement organisé de l'occupation gauloise. C'est-à-dire que c'est un site assez gigantesque avec un rempart monumental. Et puis à l'intérieur, vous voyez des quartiers qui s'étagent vers la hauteur avec différentes spécialisations. Vous avez des quartiers d'artisans, par exemple. On a fait de l'émaillage, on a travaillé les métaux. Vous avez des quartiers résidentiels avec de véritables palais ruraux. Et puis les fouilles récentes ont montré qu'on avait déjà des constructions de type romain. On a une basilique, par exemple, probablement plus ou moins contemporaine des années qui suivent la guerre des Gaules, et puis déjà des constructions relativement monumentales. Alors les Gaulois n'étaient pas seulement des bâtisseurs ingénieux, ils étaient aussi des agriculteurs prospères, des artistes inspirés, des artisans, des commerçants. Nous allons continuer à brosser le véritable portrait des Gaulois cet après-midi. Et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. The Mummers Dance, c'était Lorena McKennitt sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Dis Obélix, tu viens manger le sanglier avec moi? Encore deux menhirs à livrer et puis j'arrive. Mmh. Mmh. miam miam sanglier, hein. Ils doivent en faire des têtes, les Romains. Ils vont sûrement lancer une nouvelle offensive. Moi, tant que Panoramix continuera à préparer sa potion magique. Mais j'y pense, c'est le jour de ma ration. Allons voir le druide. Tu viens, Obélix ? Mais Astérix, j'ai à peine entamé les hors-d'œuvre. Astérix et surtout Obélix, dévoreur de sangliers. La bande dessinée a certainement contribué à nous mettre en tête hein, l'image de Gaulois vorace et mangeur de sangliers. Laurent, Olivier, il y avait souvent du sanglier au menu chez les Gaulois. Pas tellement. En fait, on mangeait plutôt de manière beaucoup plus ordinaire du porc, du bœuf, du mouton. Des animaux d'élevage. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend aussi, on mange quoi, mais ça dépend chez qui. Évidemment, chez les gens aisés, en particulier dans l'aristocratie, il y a plus facilement de la viande que chez les paysans dans les classes pauvres, où on mange plutôt de la nourriture à base de céréales, de fèves ou de pois. Alors, pour savoir ce que mangeaient les Gaulois, de quels indices disposent les archéologues? D'une chose fabuleuse, de leur poubelle, tout simplement. Il n'y a pas de service de ramassage des ordures chez les Gaulois, donc comme dans toutes les sociétés traditionnelles, on jette les poubelles pas très loin de la maison. Mais elles n'ont pas eu le temps de pourrir leurs poubelles en 2000 ans? Évidemment que si, mais il y a des choses qui se conservent, comme en particulier les os, et donc on trouve tous les déchets de boucherie, et on peut savoir à quels animaux ça appartient, quel âge ont les animaux. On peut aussi observer sur les traces de découpe comment les animaux ont été découpés pour préparer quel morceau. Bref, on peut faire une sorte de d'archéo-boucherie ou d'archéo-charcuterie de la consommation des Gaulois. Ouais. Et puis, vous avez aussi des restes, on appelle ça des restes organiques, parfois ça se conserve dans les milieux humides, comme par exemple les graines, et donc là, on peut trouver... Les céréales qu'ils mangeaient, par absolument, exemple. Absolument, quelles céréales ont été cultivées et ce qu'ils mangeaient. Ouais. On peut donc avoir aujourd'hui une idée assez précise de ce que mangeaient les Gaulois, comme l'explique l'archéologue Anne Flouest. Pour faire un menu gaulois, il faut déjà des ingrédients, il faut faire son marché. Alors, de fruits, des pommes, des poires, des prunes, des légumes feuilles comme les choux, des légumes racines comme les raves. Il faut des céréales, base de l'alimentation gauloise, des céréales, blé, orge, millet éventuellement, des légumineuses, très important à l'époque gauloise, les pois cassés et les lentilles. Ça, je pense que c'est la base de l'alimentation gauloise. Côté poisson, eh bien, on va trouver tous les poissons de rivière ou de mer, si celui-là où on habite, dont les saumons, et puis toutes les viandes de la ferme, les moutons, les cochons, le bœuf, le veau éventuellement, peu de chasse, et puis les produits laitiers, hein, le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis, avec tout ça, je vais pouvoir faire de la cuisine gauloise. On n'a pas retrouvé de recettes gauloises. Les menus que l'on peut reconstituer sont des recettes vraisemblables qu'une gauloise aurait pu faire. Une gauloise, quand elle prépare des lentilles, on peut les cuire à l'eau ou au lait. On les a jamais fait en brochette, même à l'époque gauloise. Donc on n'est pas loin de la vérité. Je dirais que notre cuisine s'enracine dans cette cuisine gauloise. C'est une soupe au chou, c'est un pot-au-feu en fait, qui est en train de mijoter dans le chaudron. Un extrait du documentaire « Le vrai visage des Gaulois » diffusé sur France 5. Finalement, leur nourriture n'était pas si différente de la nôtre. Bien sûr, oui, tout à fait. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils buvaient? Là encore, c'est différent selon les classes sociales. On a des indications qui sont données par les auteurs gréco-romains qui sont dégoûtés. Ils trouvent que c'est pas bon ce que boivent les Gaulois. Donc, ils boivent du vin, déjà. Donc, du vin d'importation. Donc, pas que de la cervoise et de l'hydromel, finalement. Non. Il y a d'énormes quantités de vin, notamment de vin italien, dont les Gaulois raffolent, qui sont importés dans les derniers siècles avant notre ère, à la fin de l'époque gauloise, et qui donnent matière à un trafic extrêmement juteux pour les Romains. Est-ce à dire qu'ils étaient portés sur la boisson, que c'était des ivrognes? Alors ça, il faut remettre ça dans le contexte de la société gauloise. C'est-à-dire que la société gauloise, c'est une société dans laquelle la richesse ne sert pas à être capitalisée. La richesse sert à être distribuée. Et donc, ce qu'on appelle les chefs, faute de mieux, les dominants, Les riches, les nantis, redistribuent ces richesses et redistribuent ces richesses à leurs alliés, à leurs obligés. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir offrir des choses dont personne ne peut profiter, comme du vin apporté qui n'est pas produit, localement. Mmh. Et donc, ce commerce du vin, en fait, il sert également à sceller des alliances. Il a un rôle éminemment social, en fait. Mmh. C'est pas uniquement pour boire, en réalité. Alors, ils sont commerçants. C'est-à-dire qu'ils ont des échanges, y compris avec les Romains. Ils ne se sont pas que battus avec les Romains, ils ont aussi commercé. Avec quoi ils achètent ? Avec quoi ? C'est du troc ? Ils ont déjà des monnaies d'échange ? Alors, là aussi, il y a une idée qui est très fortement enracinée, qui est qu'avant la monnaie, c'est du troc. En fait, le problème du troc, c'est qu'il faut que tout le monde ait le même besoin en même temps. Si je prends un exemple qui me vient à l'esprit, imaginons que je sois boulanger et vous êtes cordonnier, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Une paire de chaussures, ça vaut à peu près 150 € aujourd'hui, disons 150 baguettes. Mmh. Ça vous intéresse pas, 150 baguettes. Et moi, un 150e de chaussure pour une baguette, ça marche pas. Donc, on va pas réussir à faire affaire. Pour que ça marche, il faut instituer de la dette. C'est-à-dire, il faut, par exemple, que si moi, je suis riche et que je possède un territoire dans lequel, par exemple, il y a des matières premières, j'ai des terrains, ben, je peux les donner en fermage à un paysan et je lui dis, mais en revanche, tu me donneras une partie de tes vaches, une partie de ton fromage. Mmh. Et donc, je commence à capitaliser des ressources qui peuvent ensuite être échangées. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, même si on n'a pas une monnaie, c'est-à-dire des pièces de monnaie, il faut quelque chose qui puisse se stocker, s'échanger. Notamment, ils ont utilisé le sel. On le sait aujourd'hui. Oui. Alors, le sel... Pour échanger ça, encore une fois, pour reprendre cet exemple, il faut que vous puissiez avoir quelque chose qui représente de la valeur, que vous puissiez découper en tranches exactes. Ouais. Un bœuf, par exemple, je peux pas le couper en morceaux qui ont tous la même valeur. Je vais avoir un bout de queue, je vais avoir un bout de jarret, ça va pas être bon. En revanche, du blé, si je prends un litre de blé, je le coupe en deux, j'aurai deux moitiés équivalentes, ou du sel. Mmh. Et donc, ces premières matières premières, en fait, servent d'étalons de valeur. Alors ça, on le sait, parce que dans la production du sel, par exemple, on voit qu'ils produisent des pains de sel qui sont moulés sur des gabarits, et donc qui ont toujours le même volume. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, parce que à notre époque, ça paraît peut-être moins évident, mais... À cette époque-là, le sel est une véritable richesse. On a trouvé des gisements de sel, notamment près de Nancy, à une trentaine de kilomètres de Nancy, où l'on a estimé que la quantité de sel qu'ils avaient réussi à extraire du sol à cet endroit-là correspondait à deux fois le volume de la pyramide de Khéops, je crois. À l'époque, le sel, c'est le pétrole. Oui, alors là encore, c'est une idée reçue qu'il faut battre en brèche. Il y a l'industrie chez les Gaulois, c'est une exploitation industrielle. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que jusqu'à l'invention des techniques de réfrigération, le frigo, le congélateur, le sel, c'est la seule manière, enfin l'une des les meilleures manières de conserver de la nourriture. Et donc, dès le moment où vous êtes dans un village, dès le moment où vous avez des stocks alimentaires, il vous faut du sel pour le conserver, pour les jambons, le fromage, les salaisons. Et puis, quand vous êtes agriculteur, on a remarqué depuis longtemps que lorsqu'on donne du sel au bétail, les moutons donnent une meilleure laine, les vaches un meilleur lait, les chevaux sont plus vigoureux, donc vous avez besoin de sel aussi. Donc ce qui veut dire que pour n'importe quelle petite ferme, il vous faut à peu près, on peut calculer que par an, il vous faut une centaine de kilos de sel, au moins. Donc ça veut dire que celui qui a du sel... qui a le monopole de l'exploitation du sel, détient une denrée qui est vitale pour tout. Et c'est un peu, pour prendre une image commode, c'est un peu comme le pétrole aujourd'hui. C'est ça, c'est le pétrole de leur époque. Alors, c'est surtout vrai à l'intérieur des terres, parce qu'évidemment, au bord de la mer, c'est plus facile de trouver du sel. Oui, et donc, c'est intéressant, parce qu'on voit que là, on a plein de petites exploitations, mais qui sont de taille artisanale, tandis qu'à l'intérieur des terres, on a des exploitations qui, tout de suite, ont une taille industrielle. Ouais. Et alors, puisqu'il y a tous ces jeux de commerce, on imagine aussi que le territoire, il faut pouvoir s'y déplacer. Autrement dit, les Gaulois n'ont pas attendu les Romains pour faire des routes et puis pour aménager le territoire. Oui, bien sûr. Alors ça, on en a encore une fois un exemple indirect avec le déplacement des légions de César au moment de la guerre des Gaules. Ils se déplacent très très rapidement. Ils peuvent parcourir des dizaines de kilomètres dans une seule journée. Et donc ça, faut imaginer que c'est pas possible s'ils doivent traverser du bocage, des forêts, des marécages. Il y a évidemment tout un système de routes qui sont déjà là. Mais alors, à quoi tient la réputation de ces Gaulois de barbares sanguinaires ? Parce qu'ils l'ont auprès des Romains, cette réputation. Ils ont quand même laissé de mauvais souvenirs la dernière fois qu'ils sont allés à Rome. Alors, on est quoi, 4 siècles avant notre ère, 4-5 siècles ? On est vers 390 avant Jésus-Christ et les Gaulois descendent sur Rome assiègent Rome. Les Romains s'enfuient piteusement. Auparavant, ils ont été vaincus à plate couture à la bataille de l'Allia. Ils ont été tellement terrorisés par les Gaulois qu'ils ont voulu s'enfuir à travers la rivière et ils sont tous noyés. Donc, et quand les Gaulois investissent la ville, ils demandent un tribut en or et en fait, ils trichent dans les poids. C'est la fameuse histoire de Brennus où Brennus met, comme les Romains contestent, ils disent mais c'est pas exactement ça qu'on devait. Brennus met, le chef gaulois met son épée et son baudrier dans la balance et il dit ben, malheur au vaincu, voilà ce que c'est d'être vaincu. Mmh. Vae victis, qui est une expression que les Romains garderont en mémoire jusqu'à la fin de l'Empire. Ouais. Tous les jours, tous les ans, il y aura la mémoire, il y aura une date anniversaire de ce jour-là, donc, le jour de l'Allia. Avant d'avoir été vaincu par les troupes de César et d'avoir dû faire allégeance, il y a eu de l'esclavage en grande quantité à ce moment-là, hein, les Gaulois sûr, ont oui. payé un lourd tribut, mais avant... Ils ont été les agresseurs et ils ont remporté des victoires particulièrement meurtrières chez les Romains. D'où Bien cette sûr. Réputation chez les Romains de barbares sanguinaires. Oui, et puis aussi cette mémoire qu'ont les Romains des Gaulois. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on a réussi à écraser, on les a vaincus, mais il faut faire attention parce que ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes cette violence. Ils comprennent que la force et la seule manière d'en finir avec eux, c'est de leur imposer l'ordre. Nous allons voir dans la suite de cette émission que les Gaulois étaient aussi des artisans et des artistes. Le temps d'un bivouac en Gaule sur France Inter. Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible, que je puisse accepter la brûlure et le froid, sans perdre le sourire, sans perdre la voix. Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair, ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères. Sous peine de relancer les comment, les pourquoi, qui font perdre patience, qui font perdre la foi. Inutile de m'attendre, une impatiente oreille, le goût de toi me manque, mais rien ne se réveille, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Va comme sec est mon cœur, va comme sec sont mes bras. C'était « Si tu veux que je chante » de Stéphane Echer dans le temps d'un bivouac. 2000 ans d'histoire. Ah là là. 2000 ans qu'il a été là. Ah, regarde ça. Super. Ah là là. C'est un cheval. C'est un cheval. C'est quoi ? Regardez là, c'est évident, c'est un cheval. C'est génial ça. On a des fragments d'animaux en tôle de bronze, on a des casques. On a 10 casques, par exemple, dont certains sont extraordinaires, hein, avec 3 anneaux, hein, en forme d'oiseau. Oh, qu'il est beau ! Ce sont des casques qu'on n'imaginait même pas pouvoir exister, bien qu'on en ait des représentations, par exemple, sur une des plaques du chaudron de Gundestrup. Et puis, sur le fond de la fosse, des trompettes de guerre gauloises qu'on connaissait par quelques fragments en Europe, à la limite, par quelques représentations sur des monuments ou des monnaies. Et là, on a 7 trompettes, une seule quasiment complète, mais c'est la découverte. Christophe Maniquet, archéologue à l'INRAP avec toute son équipe, qui s'émerveille devant ces découvertes faites en 2004 sur le site archéologique de Tintignac, en Corrèze. Ce sont des découvertes majeures qui ont été faites sur ce site, Bernard Olivier. Ben, ça fait partie des surprises merveilleuses de l'archéologie, des choses inattendues. C'est en fouillant un petit temple de tradition gauloise, qu'on appelle un fanum, sous les fondations, une fosse, et dans cette fosse, des objets extrêmement précieux, donc des objets de guerre, des casques, des objets d'apparat, des trompes de guerre. Ces trompes de guerre, elles sont très impressionnantes. D'ailleurs, c'était le but de ces trompes de guerre, c'est d'impressionner l'ennemi. Il faut imaginer des grandes trompettes verticales avec des sortes de têtes de dragon au bout, qui faisaient plus de 2 mètres. Oui. Quand ils soufflaient dedans, apparemment, ça faisait un bruit terrifiant. Oui, on a des textes des Romains qui disent que ça produit un son rauque absolument à vous glacer le sang. Ouais. Alors, les casques, pareil, c'est une véritable découverte, parce que jusqu'à maintenant on avait vu des représentations de ces casques sur des objets, mais on ne savait pas s'ils existaient ou si c'était des sortes de représentations un peu sublimées, alors que ces casques sont très impressionnants, ils existent bel et bien puisqu'on les a découverts. Oui, puis ils sont complètement baroques, il y en a un avec une sorte de signe sur la tête, c'est des objets d'autres, un autre avec des très grands anneaux, c'est des objets vraiment très majestueux et superbes. Ouais. Alors au sein du musée de Saint-Germain-en-Laye, dont vous êtes le conservateur en chef, Laurent Olivier, on trouve aussi des objets superbes, notamment des épées gauloises qui méritent le détour. Oui, alors je pense qu'on a, on peut le dire sans exagération, je pense qu'on a l'une des plus belles ou la plus belle collection d'art celtique au monde, avec des objets particulièrement étonnants, dont effectivement des armes avec vous pensez sans doute au fourreau d'épée de Flavigny, qui est un décor sublime gravé sur fer. Et puis aussi on a une découverte extraordinaire, on a parlé de Tintignac, mais aussi une découverte superbe en 1999, quand on a étendu les pistes de l'aéroport de Roissy, on est tombé sur une tombe à char, donc un personnage enterré sur son char d'apparat, et auprès de lui des bronzes d'art celtiques extraordinaires, dont un dôme avec des dragons sublimes. Alors quand vous parlez d'art, c'est vraiment de l'art, et pendant longtemps, là encore, il y a eu un regard un peu condescendant. Alors, soit on considérait que c'était trop beau pour avoir été fait par les Gaulois, soit on considérait que c'était un petit peu de l'art naïf, un petit peu enfantin, alors qu'en fait ils ont mis une sorte d'abstraction dans leur art. Enfin, ça fait penser à du Picasso. Enfin, ça a été redécouvert très récemment. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a découvert les premiers éléments d'orfèvrerie qu'on a vraiment remarqué, c'est les années 1840-50, et à ce moment-là, on se dit ça doit être étrusque. On n'imagine pas que ça puisse être gaulois. Et en fait, le regard, il a changé. C'est intéressant parce que vous avez ça aussi avec les arts primitifs. Ça change en gros dans l'entre-deux-guerres. On commence à se dire que les populations, en gros, non classiques, non civilisées, peuvent avoir aussi leur propre art. Comme il existe un art africain, il existe un art américain, d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Océanie. Et si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais c'est pas juste des objets curieux, c'est pas juste de l'ornementation un peu bizarre, c'est de l'art comme notre art à nous. Et d'ailleurs, ça peut inspirer les artistes contemporains. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, mais il y a quelque chose à comprendre de ça. C'est pas juste ornemental. Oui. C'est pas juste ornemental, c'est de l'art. Et souvent, il y est lié aussi une certaine connaissance scientifique avec les formes géométriques qu'ils utilisent. On voit qu'ils ont des sérieuses notions scientifiques. Oui, alors c'est un des points qui est très intéressant, parce que l'art, les objets qu'on trouve dans les fouilles sont intéressants parce qu'ils nous parlent de leur mode de vie. Mais les objets d'art nous parlent de la manière dont ils se représentent le monde d'une manière intellectuelle. Et là, je dirais que on est tombé de notre chaise, et c'est très récent, c'est depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. On voit que c'est des compositions qui incluent des constructions à base de cercles qui sont fondées sur des connaissances très approfondies de la géométrie, qui sont équivalentes à celles qu'ont les Grecs au même moment, le Pythagore, Euclide, etc. C'est les connaissances que de la science grecque. Les Gaulois les manipulent complètement aisément. Et donc, c'est une sorte de mélange, c'est à la fois des objets d'art, mais aussi des objets de science. Et pendant que les Gaulois exercent leur talent et manifestent leur savoir, les Romains font de même, d'une autre manière. C'est le moment de retrouver le reportage de Clément Baudet, qui s'est rendu sur le site de l'un des théâtres antiques les mieux préservés au monde, celui d'Orange, construit au 1er siècle avant notre ère par les Romains. Ce théâtre est en rénovation depuis 4 ans, une occasion unique pour les archéologues archéologues de monter sur les échafaudages pour étudier en détail la façade. Clément Baudet s'y est rendu avec l'architecte archéologue Alain Badi, un reportage en partenariat avec CNRS Le Journal. Alain Badi, architecte archéologue à l'Institut de recherche sur l'architecture antique du CNRS et d'Aix-Marseille Université. Je vous suis en rentre. Monsieur et dame, bonjour. Bonjour. Bonjour. Le théâtre lui-même est en chantier depuis 4 ans. Donc là, nous sommes sur la scène, hein, c'est ça? On est sur la scène du théâtre antique d'Orange. Le théâtre est un théâtre d'époque augustéenne, c'est-à-dire qui a été construit autour du changement d'air. Donc là, il a la particularité d'avoir conservé son bâtiment de scène. Quelque chose d'exceptionnel, puisque les deux seuls théâtres qui ont conservé le bâtiment de scène sont celui de Bosra en Syrie et celui d'Aspendos en Turquie. Donc dans l'Occident romain, c'est le seul. Il est conservé jusqu'en haut, il fait 100 mètres de long, 36 mètres de haut. Et on a conservé en place les corniches en marbre qui permettent de comprendre l'ensemble de son décor, le tout représentant une centaine de colonnes. Et c'est devant ce mur-là qu'on regarde, que prenait place l'ensemble du décor en marbre. On va pénétrer dans l'élévation du bâtiment de scène, dans l'épaisseur du mur de scène. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'utiliser un escalier antique et de l'emprunter comme les anciens. C'est toujours un grand plaisir. Ici, on est dans l'épaisseur du bâtiment de scène. C'est un espace un peu résiduel, utile pour l'entretien et aussi pour les jeux d'acteurs qui pouvaient faire des apparitions dans les élévations. Qu'on va étudier l'année prochaine, puisque cette partie-là va être consolidée, restaurée. C'est une zone qui a été très peu étudiée. On aimerait retrouver en particulier des inscriptions comme on a retrouvé de l'autre côté, qui étaient liées sans doute à la gestion du chantier et des artisans. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est bien sûr comment était le théâtre, mais aussi comment il a été construit, comment il a été utilisé et comment il a été transformé. C'est les quatre aspects qu'on cherche à étudier. Donc on passe sur des petites échelles avec nos casques de chantier. Oh, il y a le vide juste à droite. On est à 20 mètres du sol. On est derrière la statue d'Auguste qui a été reconstruite dans les années 50. Grâce à la restauration du front de scène et grâce à cet échafaudage, vous avez pu accéder à des parties qui étaient encore inaccessibles pour les scientifiques. L'échafaudage nous permet d'aller voir de près des choses qu'on n'observait que depuis en bas et donc aussi de faire ce qu'on appelle un relevé de l'état actuel du monument le plus précis possible et le plus détaillé possible. Ça nous a permis, par exemple, de nous rendre compte que restait en place le système d'accrochage des plaquages, les plaquages de marbre qui décoraient l'ensemble du théâtre. On a trouvé aussi le mortier de pose de ces plaquages de marbre. L'échafaudage nous a aussi permis de voir de près les éléments en marbre encore en place, donc qui sont essentiellement des corniches, et se rendre compte que certaines avaient été réparées, apparemment dès l'Antiquité. Dernier point, c'est toutes les traces liées aux réoccupations postérieures, puisqu'à l'intérieur du théâtre, il y a tout un quartier de la ville d'Orange qui, à l'époque médiévale, et en tout cas jusqu'au début du XIXe siècle, occupait la place des gradins, mais aussi la Seine. Et donc, on a pu retrouver les traces des planchers, les traces des charpentes de ces maisons. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'à l'époque médiévale, à la place des gradins, il y avait en fait des habitations. Oui, il y avait des maisons. Et là, on a des dessins du début du XIXe siècle qui le montrent très bien. On a même le cadastre de la première moitié du XIXe siècle qui montre les rues et les maisons. Petite échelle en fer, monter les derniers mètres. Nous sommes au niveau de la toiture antique. Et nous sommes sous la toiture moderne construite en 2006. Et donc là, il y a des traces rouges sur les murs. C'est dû à quoi? Alors, c'est dû à un incendie ou à des incendies. En tout cas, au moins un incendie. Et on voit les traces rouges qui sont donc les traces de la combustion de la pierre, de l'échauffement de la pierre, de la surface de la pierre. Nous étudions le bâtiment antique, mais aussi toutes ces transformations jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'histoire des restaurations fait partie de l'histoire que nous tentons de reconstituer et de comprendre. Un reportage signé Clément Baudet à retrouver sur le site de CNRS Le Journal, dont nous sommes partenaires. Alors, Laurent Olivier, la ville d'Orange est conquise par les Romains moins 40 avant Jésus-Christ. Ils s'installent, ils vont édifier ce théâtre antique. Les Gaulois vont-ils avant cela construire en pierre? On a dit que c'était essentiellement des bâtisseurs en bois, mais est-ce qu'ils ont quand même laissé quelques ouvrages en pierre? Oui, on construit en pierre dans les endroits où il y a de la pierre. Par exemple, dans le milieu de la France, c'est essentiellement des constructions en pierre sèche, par exemple. C'est aussi une idée reçue qu'on a, c'est-à-dire que l'architecture romaine, jusqu'à l'époque d'Auguste, donc on est quand même à la fin du 1er siècle, après la conquête de la Gaule, c'est la ville de Rome, c'est surtout une ville de briques. C'est pas la ville monumentale qu'on connaît, de marbre, et c'est surtout une ville, la ville de à peu près 100 ans, à 150 ans après la conquête romaine. Donc en fait... il n'y a pas un si grand décalage que ça, en réalité, avec les grandes villes de la même époque. Mais effectivement, et d'ailleurs c'est quelque chose qui frappe beaucoup les gréco-romains, pour eux c'est un pays impossible, la Gaule, c'est un pays où il fait très très froid, ils s'imaginent des hivers terribles où les fleuves sont tellement gelés qu'il n'y a plus de route, on circule sur les fleuves qui sont devenus durs comme de la pierre. Pour eux c'est un pays rude, et c'est comme ça qu'ils se représentent. En réalité, on a de la construction en bois là où on trouve pas de pierre, et quand on a de la pierre, on fait de la construction en pierre. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux druides et aux croyances gauloises. Et puis vous répondrez, Laurent Olivier, aux nombreuses questions des auditeurs qui sont arrivées pour vous. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you're wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming. It's you I'm on, so stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost and be our thoughts. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Pair out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about now before we get lost and be our thoughts. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? C'était Talk de Khalid sur France Inter. Ici commence la forêt sacrée. Seuls, les druides peuvent y pénétrer. Vous m'attendez ici. Je déclare la 2000e cérémonie de la Serpe d'Or ouverte. Comme chaque année, cette Serpe d'Or sera remise aux meilleurs d'entre nous. La potion donne à celui qui la boit une force surhumaine. Pendant une dizaine de minutes, Il est pratiquement invincible. Vous allez voir, je prends quelqu'un. Tiens, toi, là. Oui, toi, viens. Viens, là. Bois, lentement. Extrait du film Astérix et Obélix contre César. Laurent Olivier, quel était le véritable rôle, la véritable place des druides dans la culture et la société gauloise? Alors, les Romains, et qui nous en ont parlé, sont gênés par rapport à ça parce que ça n'a pas d'équivalent dans leur propre culture. Les druides, bon, sont ceux qui organisent le culte, mais ils sont aussi un rôle dans l'enseignement. C'est-à-dire que ce sont des penseurs, des philosophes qui étudient le monde, ses dimensions, le rapport avec les dieux. Comment c'est très proche des savants grecs en quelque sorte. Et puis aussi ils ont un rôle juridique, c'est-à-dire qu'ils tranchent les différends non seulement privés mais aussi publics, et ils peuvent parfois trancher les différends entre États. Et leurs décisions sont supérieures à la décision des États. Mmh. Donc c'est un drôle d'organisation qui en fait émerveillait les Grecs quelque part, parce que c'est quelque part l'idée que les philosophes ou les sages dirigent la cité. Ils concentrent tous les pouvoirs. Ils ont le pouvoir et ils ont le savoir. Ça va souvent de pair, mais alors là c'est encore plus flagrant. Et effectivement, pour devenir druide, c'était des années voire des décennies d'enseignement. On l'a dit, pas d'écrit, donc il fallait qu'ils apprennent tout, qu'ils retiennent tout. Oui, bien sûr, mais ça, c'est pas tout à fait original. Pensez, par exemple, dans la culture grecque, l'Iliade et l'Odyssée, à l'origine, c'est des poèmes de plusieurs dizaines de milliers de vers que les aèdes connaissent par cœur. Regardez aussi l'enseignement de Pythagore, c'est une société secrète dans laquelle les différents membres de cette école doivent connaître par cœur et ne pas divulguer les connaissances. Donc, c'est pas très original, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres sociétés contemporaine de la même époque. Alors, quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées pour vous. Laurent Olivier, vous avez parlé d'impôts, vous demande Catherine. Les Gaulois prélevaient des impôts, s'interroge-t-elle. Que sait-on de leur organisation politique? Alors, leur organisation politique, elle change à partir de la conquête romaine. Traditionnellement, à leur tête, on trouve des gens que les Romains appellent des rois. Alors, est-ce que c'est équivalent de ce qui se passe chez les Romains? En tout cas, à partir de la conquête romaine, ça commence à changer et ils ont à leur tête plutôt ce que les Romains appellent des sénats, c'est-à-dire des assemblées de personnages dominants. Alors, l'État, il y a toutes les fonctions de l'État, c'est-à-dire que l'État bat monnaie, chaque État a sa propre monnaie, et puis effectivement, on prélève les impôts, on prélève les taxes, enfin bref, il y a toutes les fonctions d'un État en tant que tel. Et Aurélie vous demande, à propos des Gauloises, y a-t-il eu en Gaule des sociétés matriarcales? Alors, question très intéressante, parce que là encore, c'est quelque chose qui frappe beaucoup les observateurs méditerranéens. Le statut des femmes est complètement différent de ce qui est chez eux. En Méditerranée, et d'ailleurs ça n'a pas énormément changé depuis 2000 ans, les femmes sont des êtres mineurs, qui n'ont pas voix à la parole, qui sont dans leurs habitations de femmes et qui n'occupent pas la place publique. Et c'est l'inverse chez les Gaulois. Elles ont non seulement le même statut, mais c'est elles qui héritent dans les successions, et parfois elles peuvent être chefs de guerre, elles peuvent diriger des armées, occuper des fonctions politiques. Donc il y a un rôle très important des femmes dans la société gauloise. Alors il y a plusieurs questions qui se demandent en fait ce qu'ils sont devenus, ces Gaulois. Paolo vous dit, les Français actuels sont-ils issus du métissage entre Romains et Celtes? Certains parlent de Français de souche, mais de quelle souche, demande-t-il. Capta Cabana vous dit, les Gaulois ont-ils disparu ou sont-ils passés? Que sont-ils devenus? Se sont-ils fondus dans la masse des autres tribus? Et d'autres questions viennent dans ce sens. Oui, alors ça, c'est une question profonde, à laquelle est difficile de répondre en 5 minutes, mais en gros, ce qu'il faut se figurer, c'est quand les Gaulois sont conquis et sont intégrés à l'Empire romain, il n'y a pas une invasion massive de Romains. En gros, les Gaulois prennent le statut de romanisés, de provinciaux romains. Donc, il n'y a pas énormément d'étrangers qui arrivent à ce moment-là. Et puis, au moment de la période dite des grandes invasions, faut pas non plus imaginer des déferlements massifs de population complète. Quand on étudie les cimetières, on voit qu'en fait, il y a probablement un passage progressif à des modes de vie germaniques. Donc, en gros, on est confronté un petit peu au même problème qu'aujourd'hui. Il y a toujours eu du brassage, il y a toujours eu des étrangers qui circulent. Mais ce qui est le plus important, c'est le changement des modes de vie. Regardez par exemple aujourd'hui, on est très américanisé, on boit du Coca-Cola, on a des vêtements américains, des chaussures américaines, mais on n'est pas américain pour autant. Mmh. Il se passe quelque chose de tout à fait équivalent avec la romanisation, et puis ensuite à partir du haut Moyen-Âge, le passage à un autre mode d'organisation. Marie vous demande de quand datent les premières découvertes de vestiges gaulois. Alors, les toutes premières découvertes de vestiges gaulois répertoriés, en fait, ils sont pas gaulois d'ailleurs, hein. C'est au moment où on fait des fouilles dans Notre-Dame, et sous Notre-Dame, on découvre ce qu'on appelle le pilier des nôtres, c'est-à-dire une construction dédiée à des dieux gaulois et romains qui datent de l'époque du règne de Tibère, donc dans les premières décennies du 1er siècle après Jésus-Christ. Et cette découverte-là, elle frappe beaucoup les esprits, parce qu'il y a des inscriptions en langue gauloise, il y a des dieux gaulois, et en particulier le fameux Cernunnos, un dieu à la ramure de cerf. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de l'existence d'une langue et puis d'une civilisation et d'une religion gauloise. Mmh. Pour terminer en 30 secondes, quelles sont encore les zones d'ombre? Qu'est-ce qui reste à découvrir? Qu'est-ce que vous, le spécialiste de la culture gauloise, vous aimeriez élucider à leur sujet? Ben, ce qu'on aimerait, on est confronté à quelque chose qui est à la fois accessible et en même temps lointain. Comme on l'a vu, le témoignage sur eux, ils viennent pas d'eux, ils viennent de gens qui sont de cultures différentes et puis qui les colonisent en quelque sorte. On aimerait les connaître mieux de l'intérieur. Et je pense que un des domaines les plus fascinants, enfin en tout cas c'est celui que je trouve c'est celui vers lequel je suis de plus en plus attiré, c'est l'étude de l'art et l'étude des représentations symboliques. Ils étaient de bons navigateurs, ces Gaulois. Bah, ils ont aussi des flottes, hein. Donc ils ont effectivement, on n'a pas du pilier des nôtres, hein, qui est un hôtel qui est érigé par la corporation des transporteurs fluviaux de la Seine. On sait aussi, d'après César, qu'il y a une flotte vénète, donc il y a aussi une flotte maritime qui va en Grande-Bretagne et qui fait du cabotage. Si je vous pose cette question, c'est parce que je veux vous présenter notre invité de la deuxième heure, Bernard Rubinstein. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste marin depuis maintenant 40 ans. Vous avez navigué avec les plus grands, de Éric Tabarly à Armel Lecléache, en passant par Titouan Lamazou et Loïc Perron. Vous avez aussi embarqué sur la Baie Flandre, le remorqueur de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Vous avez aussi une passion pour les phares, où vous avez séjourné 8 jours par exemple dans le phare de Cordouan avec son gardien. Vous allez partager avec nous toutes ces expériences et bien d'autres dans la deuxième heure de notre bivouac. Un grand merci à vous, Laurent Olivier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Pays des Celtes aux éditions Seuil. Merci à vous. Je vous en prie. Et Bernard Rubinstein, à tout de suite. Ces Gaulois sont vraiment prodigieux.